c'est ton manteau rouge complètement démodé. Pour porter la cravate, il faut bien te relooker. Ta barbe elle est trop longue, tu vas devoir la raser. Noël, welcome, Noël, welcome, usez les passes à paix. Le dernier indien pour qui je pourrais pleurer. No, welcome, no.